La nuit qui s'était écoulée avait été comme un long cauchemar réaliste dont Melchior n'eut l'impression de s'éveiller que lorsqu'il rentra chez lui, très tard, et qu'il s'allongea sur son lit. Là, ses sentiments refluèrent, comme une marée qui descend, découvrant l'étendue de ses décisions. Il fallait évacuer tout, la jalousie, la hargne, la honte, l'horreur, le dégoût, la peur. Il fallait revoir le film des événements pour les analyser froidement. Après tout, et bien que ça ait été l'une des pires nuits de son existence, il avait réussi. Son plan avait fonctionné à la perfection. Brugg n'avait pas opposé de résistance. Il n'avait pas eu à se salir les mains. Il était maintenant effacé. Demain, tout le monde recevrait l'ordre de ne plus parler de lui. Melchior pensa à Olga qui avait rédigé son ordre de mort dans le confort de son bureau. Il ne la blâmait pas. S'il avait pu faire comme elle, il l'aurait fait. Mais cette pensée le réconforterait au moment de la tuer. Un sentiment désagréable l'envahit à la pensée de ce second meurtre. Il n'était pas un tueur, c'était certain. Il n'avait pris aucun plaisir à faire ce qu'il avait fait. Il fallait en tirer les conclusions nécessaires. À chaque fois que cela serait possible, il délégrait cette besogne. Il n'aurait même pas connaissance des détails, c'était les détails qui étaient les plus sordides. Il serait à son tour dans le confort d'un bureau. Et il serait aussi facile d'effacer quelqu'un que de renverser un roi sur un échiquier. Ce serait intellectuel, déréalisé. Il n'en souffrirait pas. C'était cela même qui définissait les chefs. Ils étaient capables de prendre des décisions rationnelles sans s'encombrer de sentiments. La pensée de Serena était là, toute proche, cherchant à affleurer à sa conscience. Mais elle ne serait bientôt plus un problème. Un simple souvenir, un vague regret. Il avait décidé de ne pas se fragiliser encore en la revoyant avant son départ. Il avait laissé un mot sous sa porte pour lui indiquer à quel point elle devait se rendre. Peut-être irait-il subrepticement assister à son départ, mais il ne la reverrait pas. Il pensa à Olga. Il essaya de l'imaginer dans son intimité. Il serait difficile de l'approcher. Des images de sa maison, des membres de sa famille, repassaient dans son esprit. Et tandis qu'il s'endormait, fixé sur l'espoir de trouver une solution propre, il se cristallisa sur l'image étrange et dérangeante de Nils.